D'albums sélectionnés. Je sais pas encore qu'est-ce que j'ai que pour débuter. Je me suis installé un petit peu trop vite. Fait qu'on passe ça, puis je vous donne ça tout de suite après. Thank you. vraiment sympathique comme pièce, c'était Let Down Department avec la pièce Off. Avant ça, c'était Half of Decibel, donc un duo polonais, c'était la pièce Mlin. C'était les deux pièces tirées de l'album New Sounds from Poland. C'est une compilation publiée sur l'étiquette No Echo Records. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à WebMusic, donc vous avez juste à vous rendre au www.webmusic.ca. Vous allez avoir accès à la playlist de l'émission et il y a tous les liens pour télécharger la musique. On va poursuivre avec cette fois-ci un groupe du Portugal, c'est Duas Semicolcheas Invertidas, donc un excellent groupe publié sur Enough Records cette fois-ci. Ils sont déjà rendus donc à leur quatrième album. Je vais vous faire entendre tout d'abord Encephalia Espongiform, ensuite de ça c'est la pièce Feng Shui, donc Duas Semicolcheas Invertidas, vraiment excellent comme groupe. C'est ça, on écoute deux pièces, puis je vous reviens tout de suite après pour la suite de WebMusic. We'll be right back. un groupe que j'adorerais voir live, c'est Duas Semi Colchias Invertidas. Donc, on vient tout juste d'entendre la pièce Feng Shui. Avant ça, c'était la pièce Encephalia Espongiform. Donc, c'était tiré de leur album intitulé Quattro, publié sur Enough Records. Donc, pour la suite de Web Music, cette fois-ci, on va changer complètement de registre. Je vous propose un album d'un artiste de la ville de Bristol. Il s'appelle Phrenic. C'est un mélange de musique mongolienne avec des beats hip-hop. Donc, c'est tiré de son album Mongolia, publié sur Dusted Wax Kingdom. Je vais vous faire entendre deux pièces. La première s'intitule Wolf Falcon Deer. Ensuite de ça, c'est The Human Horseman. Vous allez voir, vraiment excellent. Je vous invite à télécharger l'album. Quatre pièces, vraiment excellente. Musique assez inattendue. Donc, on écoute ça tout de suite à Web Music. Wow, vraiment beau. Donc, c'était deux pièces de Phrenic, un artiste de la ville de Bristol en Angleterre. Il a pris de la musique mongole, mis quelques beats par-dessus et c'est ça que ça donne. Donc, la pièce qu'on vient tout juste d'entendre, c'est de Two Man Horsemen. Avant ça, c'était Wolf, Falcon, Deer. Donc, un album intitulé Mongolia. C'est publié sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. Donc, c'est ça. Je vous rappelle, comme à l'habitude, c'est assez important donc de vous rendre sur la page de Webmusic qui est au www.webmusic.ca. Ça vous permet de consulter la playlist de l'émission et de télécharger absolument tout ce que vous entendez. Donc, vous pouvez télécharger de façon gratuite et légale. La plupart, sinon la majorité des pièces sont diffusées sous licence Creative Commons. Donc, vous pouvez télécharger, vous pouvez même partager avec vos amis, vos collègues, votre famille. C'est encouragé. Donc, souvent les artistes font pas une scène avec les albums qu'ils produisent. La meilleure chose que vous pouvez faire, donc, c'est de partager, de parler de leur musique à vos connaissances. Donc, c'est ce qu'ils apprécient le plus. Donnez-leur aussi du feedback. C'est des artistes qui sont toujours très accessibles. Donc, si vous aimez ce qu'ils font, vous avez juste à les contacter via leur page officielle. La plupart du temps, vous avez une réponse quand même assez rapidement. Donc, toujours assez intéressant dans le monde du net audio, la proximité des artistes. Je vous dis que vous pouvez m'appeler si vous avez des commentaires, des questions. Vous pouvez me rejoindre au 418-640-1586 durant les pièces. Ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Donc, c'est ça, on va faire une courte pause à Webmusic, puis je vous reviens tout de suite après pour la suite. C'est KRL. The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. 89.1. So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again. Québec. Vendredi 19 octobre, 20h, c'est le lancement avec spectacle complet du premier album Red Magic de la formation électropop Beat Market. En première partie, Barton Fink. Vendredi 19 octobre, ouverture des portes 20h, 10$ à la porte. Au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec, une coproduction Menoum, CKRL et Beat Market Productions. Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, participez au développement culturel de votre radio favorite. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Il y aura toujours du monde qui diront jamais que c'est beau ce que vous faites, qui répondront pas à vos courriels, qui vous parleront même pas de votre nouveau chandail. Pourtant, ce monde-là, il vous parle de ce qu'ils ont acheté, de leurs enfants, d'eux autres, avec du détail, comme si ça vous intéressait. De façon générale, le monde y écoute pas, il parle. Il vous donne plein de raisons de rester silencieux. Vous cherchez une porte de sortie pour filer en douce avec des gens qui vous ressemblent? Écoutez L'Opineur du Chef avec Denis Barry tous les jeudis soirs de 20h à 22h à CKRL, la radio qui s'intéresse à vous. De retour à Web Musique, vous êtes toujours avec Simon Roy. Donc, pour la deuxième demi-heure de l'émission, on va écouter un artiste de la Hongrie, la ville de Budapest, plus précisément. C'est Night Effect. Je vous fais jouer deux pièces tirées de son album Electric Waste. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir deux pièces. L'album est bon d'un bout à l'autre. 13 pièces, donc assez variées. Un album vraiment excellent. Je vous invite à le télécharger, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Donc, on va écouter deux pièces. La première s'intitule Termination. Ensuite de ça, c'est Protein Factory. Donc, tiré comme de l'album, comme je vous disais, Electric Waste. On écoute ça tout de suite à Web Music. C'était la pièce Protein Factory, donc par Night Effect. C'était précédé par la pièce Termination, donc deux pièces qui se retrouvent sur son album Electric Waste. Donc Night Effect, un artiste qui nous vient de la Hongrie. Pour la suite de Web Music, on va revenir au Québec avec Robert Nelson et Keitra Tamus. Donc, c'est tiré de leur album Les Filles du Roi. Vous allez voir vraiment péter. On va entendre tout d'abord la pièce Yolande et ensuite Nancy. Vous allez voir complètement péter Robert Nelson et Keitra Tamus. Yeah. But wait. Shit. Yeah. Sans frontières, on est à l'est, dans rivière Taouin, baby. Tu vois où ce que c'est, bah oui. Robert est sur le front, tu vas me donner de next, pas de ton, pas de s'il vous plaît, puis à part de ça, tu fais le petit poulet sur le pont, ben raide, pas de pauvre. M'envoie dans les grands lacs avec un lance-flamme. Chasse le bétail à la reine, le fromage sans fort. Ben oui, le potage est dans le corps. Ma main tremblée, perte sain, frime de pâté. Qui c'est qui t'a éduqué? Tu le sais, c'est Bobby. 18-38, déclaration d'indépendance. Ah ouais, on va couper des dépenses. On va élever les enfants à maison. Fuck la pétale, v'là un nom, y'a plus de chien. Bon, 2013, plus d'électricité. Coupon d'épicerie, si tu restes ben straight. On va rincer les féculents, pincer les débutants. Et sors la guenille avant de caresser le char sur le champ. Toujours préparé, le yogourt est décané. Prêt pas prêt, j'y vais, j'espère que tu t'es bien caché. 5 cafés sur un 9 à 5, pas de 5 à 7, juste des 7 à 5. Tu vas-tu me tipper si j'ai fait sa fête? Les épices dans l'étagère, t'es le stagiaire. Bonjour, moi je suis le boss, t'es un paye 5 piastres. Ben, moi j'ai eu le gosse, que c'est ça, ben oui, c'est à la claire. Donne-moi pas de poisson, je veux savoir comment qu'elle marche. Moi la canne à pêche. Fume de la japonaise dans un salon de glaise. Ben butch, ça me gêne dans mon tapon de braise. Tu peux rentrer chez vous si tu veux que l'action cesse. À Dundas que je mets mes affaires. De la bonne presse pour les minces, pas capable de se taire. Yolande, elle a de la barbe sur le sein. De sa petite face, t'es-tu dans la course ou ben donc t'es-tu dans la place? Mauvais bon Jack, bonne jeune. Bungee jump, in a train, push back à mon calme. Bocana de Pontiac, adhirons d'art. Fucking grosse flaque, sol fleuve. Où c'est qui s'abreuve? La robe en des cheveux, même si t'es pas une veuve. Qu'est-ce que tu veux? Ben de la sienne dans la République. Qui t'y représente? C'est Robert, c'est pas les jésuites. J'opère avec un Jésus cir. Yeah. Capote ben rien. Au dîner, tout le monde est bien correct. Amène de l'eau potable au DJ pour qu'il bombe sur le vin cossin. Qui ramène les pains ou te laisse sur la table? C'est qui met son talon de pince sur ma dame? Chaque premier du mois, c'est quoi qui se tâche d'un grenier du bas? Le mince, faut donner du sang, mais faut donner du gras. Il ne recopote partiellement écrémé par que c'est. Ça sort du beat, pis ça sabote d'Alfred. Tu fuck it, on est rendu persévérant. Même plus besoin de bateau pis d'abord pour rattraper des éperlins. On fait ça avec la dynamite. Robert Nelson, c'est un gars pratico-pratique. Mais des fois, il est fancy. Champagne caviar dans roulotte de Nancy. Oui, tu vas me flatter dans le bon sens. Tu poiles, sinon ça ramène pas de bon sens. Tu parles, bébé, il n'aura pas de récompense. Tu vois, parce que peu importe ce que tu fais, parce que tu penses, tu gardes. Oui, tu vas me flatter dans le bon sens. Tu poiles, sinon ça ramène pas de bon bon sens, tu prends. Bébé, elle n'aura pas de récompense, tu vois. Parce que peu importe ce que tu fais, ce que tu penses, tu gardes. Ma vodka, c'est une rette avec ma gauche populiste. Puis ma voix de fer, chier comme quand ça chauffe, quand tu pisses. Il est cette phare, mais Robert est des plus. Quand c'est qu'il voit un ignore, ben Robert est des ducs. Les paroles s'envolent, puis les écrits restent. C'est pour ça que j'écris jamais un autre texte. Pas de promesse, pas de stress. Bring it down, yes. Exponentiel, folie baisse, mais presque. Robert est monté, puis il est redescendu de l'Everest. Pas besoin de prendre congé, il a fait ça en fin de semaine. Plein de suspense, politique nationale. Pas bénéfice, le parlement, c'est pas du crasse de rat de tâche. FNBC, puis d'autres gangs. Y'en a qui voudraient qu'on s'achète des TV, puis qu'on scam. Devenir responsable, 9 à 5, black bounce, slash Mossack. Pas grenade de spam. Oui, tu vas flatter dans le bon sens, tu poil. Sinon, ça ramène pas de bon sens, tu parles. Bébé, elle n'aura pas de récompense, tu vois. Parce que peu importe ce que tu fais, parce que tu penses, tu gagnes. Toi, tu vas flatter dans le bon sens, tu poil. Sinon, ça ramène pas de bon sens, tu parles. Bébé, elle n'aura pas de récompense, tu vois. Parce que peu importe ce que tu fais, parce que tu penses. La musique bas-canadienne, donc, c'était Robert Nelson et Keith Radamus. On vient tout juste d'entendre la pièce Nancy. C'était précédé par la pièce Yolande, tirée de leur album, donc, Les Filles du Rouet. On va poursuivre Ouais Musique avec... Donc, un peu de drum and bass, on va changer un peu de registre. On va entendre la pièce Dust Devil de Photophobe. Donc, on écoute ça tout de suite à Ouais Musique. de l'Autriche. Donc, c'était Photophobe avec sa pièce Dust Devil. C'était publié sur l'étiquette Larry Day. On va poursuivre encore avec un peu de drum and bass, cette fois-ci vraiment brutal. C'est Broken Spud. Je vous fais entendre la pièce The Day Will Come. Vous allez voir sa bûche, c'est épouvantable. Mettez le son à 13 ou 14, vous allez voir, ça fait effet. We'll be right back.